Voici la belle histoire de petit garçon qui s'appelait Charles-Antoine Rabot côté Châteauvert. Il vivait dans une famille reconstituée. Il avait un gros nez et portait de grosses lunettes. Voilà donc un candidat parfait pour les moqueries, le taxage, le bullying et autres divins plaisirs de la vie. Charles-Antoine Rabot côté Châteauvert fut battu par le vilain Roger-Nicolas Tanguay-Brousseau. Le petit Charles-Antoine Rabot se retrouva par terre et saignait du nez. En s'essuyant, il remarqua sur sa main une petite boule noire avec de gros yeux et une bouche rouge. La boule lui parla. Elle lui dit ceci: « Je suis une bactérie magique et je vais t'aider à régler tous tes problèmes. » La boule noire, ou plutôt la bactérie magique, continua à parler. « Mets-moi dans ton nez, et chaque être vivant sur qui tu éternueras sera transformé en une statue d'or massif. Mais prends garde de ne pas abuser de tes nouveaux pouvoirs. » Charles-Antoine Rabot côté Châteauvert, d'abord incrédule, décida d'essayer d'éternuer sur son pire ennemi, Roger-Nicolas Tanguay-Brousseau, celui-là même qui venait de le battre. Aussitôt que l'éternuement fut lancé, Roger-Nicolas Tanguay-Brousseau se transforma en une statue d'or massif. S'écria Charles-Antoine Rabot côté Châteauvert, et il transforma tour à tour en statue d'or massif ses anciens et nouveaux parents, ses frères, ses sœurs, ses professeurs, tous les enfants de son école, le facteur, le curé, le maire et même quelques sœurs grises. Malheureusement, puisqu'il y avait maintenant de l'or partout, les cours de l'or chutèrent et les statues d'or massif de Charles-Antoine Rabot côté Châteauvert ne valaient maintenant plus rien. Pauvre petit, il fut amené à réfléchir sur les grands principes de l'offre et la demande. Et vous, les petits, s'il vous arrive d'avoir envie d'éternuer, ne prenez pas vos ennemis pour des mouchoirs.